dans mes escaliers, dans les paliers, y'a des caméras, mes potes, ils m'ont pas lié. 3 heures du matin, insomniaque, un dernier dans mes escaliers, y'a des caméras. Mais ils m'ont pas lié. 4h du matin, insomniaque. J'enroule un dernier dans mes escaliers. Dans les paliers, y'a des caméras. Et pourtant dans cette com, ils m'ont pas lié. Leur tiers, j'ai plié, ta porte, j'ai plié. Bélier hydraulique a plié la mienne. Comme ils ont pas un et du temps à perdre. Sur les réseaux qui font la guerre, je suis pas loin de la tour. Ouais, si je suis pas Irm, je suis pas loin de la tour. Passage de Gustave, Eiffel, Skoda, plaqué, FL. Je vois trop les boomers, je vois trop les vices. Et les donneurs, c'est moi le 10. Moi le meilleur, et comme j'ai des fils dans la zig, je dois fouetter, fouetter pour l'éducation. C'est que j'ai compté des pour entre trop de mauvais points. Les écoute pas, ces chouins, ils vont pas t'aider. Pour manger, fallait procéder. Son bon cap pioncé, pioncé. Son bon cap pioncé, coup de marteau, le pavé, on cassé. J'ai laissé ça pour la ça, c'est les choses, c'était chaud. C'était chaud dans les fouilles, je voulais pas faire le show. Et quand ça chauffe, tout le monde part en couille. Nous c'est la grande famille, que des faves, pas d'embrouille. Mais si tu nous cherches, tu nous trouves. 12 ans et demi, première demi. Avec Capé, on savait pas couper. On savait pas vendre, on savait pas compter. On n'avait pas mué, on voulait du big à foison. T'es ma midi, c'est moi, je vends la médicinale. Je suis trop matinal. Que j'ai nage, je gagne le combat. Avec eux, je peux pas Kuma, ils font pas un bina. Trop en comme avec Manila. C'est trop en pira. J'ai dépensé des 10 balles, c'est que l'herbe c'est les titans. Quand t'es comme tu t'es fini au fond du filet. Quand tu fous leur enfant, l'enfant qui fait l'habitat. C'est mort, c'est moteur et clipin. J'prends les voitures, j'me suis mis en blanc pour le dîner.